oui, c'est une entrée en matière très pop ce soir dans Pop & Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Ce soir, nous découperons Pop & Rock en deux temps. Le premier sentira bon la pop avec les nouveaux albums de Alt J et Métronomie, le tout saupoudré du rock très pop, de Superflu ou encore des Fontaines Wallace. La seconde partie verra l'énergie du rock remplir Pop & Rock, mais pour le moment, restons donc dans la douceur avec la première nouveauté du soir, You and Me de Alt J, que je doublerai d'un plus ancien titre des Grands Bretons. Comme tous les lundis entre 17h et 18h, vous êtes bien dans Pop & Rock sur RVR. China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me lumps and war. Their ancestors is chance. I have sprayed you into my eyes. dollars and cares glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp could not. Oh, oh, oh, the photographic. Great closeness to Kappa, to Kappa, Kappa Dark. After nothing reunited with his neck and with Utah. La semaine passée, j'introduisais dans une session de rattrapage dans Radio Lozinc les Lillois de Superflu. Ce soir, c'est dans Pop and Rock que nous les retrouvons pour deux titres. Profitez bien, car à part les trois albums déjà existants, Superflu n'existera plus d'une autre façon que dans nos sessions de rattrapage. Puisque tu laisses au vent le soin de m'apporter de tes nouvelles, je laisse la fenêtre ouverte et j'attends. Puisque tu laisses aux autres la chance de savoir ce que tu deviens, je la demande souvent. Dieu que cette nuit est belle, Dieu que cette vie est grande, et tu me manques encore ce soir. Que tu laisses l'absence s'installer chez moi. Elle prend ses aises, elle fait comme chez elle. Je ne reste pas. Puisque puisque tu laisses les hivers s'ajouter aux hivers, si bien qu'il semble dire chacun sa peine, chacun sa peine, chacun sa peine, chacun sa peine. Dieu que cette nuit est belle, Dieu que cette ville est grande, et tu me manques encore ce soir. D'un album sorti en 1998 et puis après on verra bien, je vous propose à présent un second extrait de ce même album, Superflu, elle et lui. C'est ça les sessions de rattrapage dans Pop & Rock. Aussi mon amour. pop rock français ce soir dans Pop and Rock. Et si l'histoire de Superflu semble bien être en suspension, j'ai eu la chance d'échanger avec eux et c'est ainsi que j'ai appris que l'ex-voix de Superflu est partie et chante à nouveau à présent dans un nouveau projet, Fontaine Wallace. Piqué de curiosité, je suis allé fouiller et j'ai trouvé pour vous deux titres des Fontaine Wallace. Avec des un labyrinthe comme tout le monde. Un endroit dessiné pour qu'on se perde, avec des angles morts, des trompe-l'œil qui mentent. Je suis un labyrinthe comme tout le monde. Le Dédalus de Fontaine Wallace. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous encourage à foncer sur votre plateforme musicale pour retrouver les deux albums de ce groupe confidentiel qui, d'après moi, mérite votre attention. Mais revenons à nos nouveautés. Et après le Alt G du début de notre pop and rock, je vous propose les très pop Metronomy qui ont sorti mai-février 2022 leur nouvel opus Small World. Comme toujours, peu de discours à leur musique. Forget that I was only your lover. La pop légère de Metronomy, comme pour fêter l'arrivée du printemps, peut-être même la fin du Covid. Second titre issu de Small World de Metronomy, tout de suite Loneless on the Run sur RVR. How would you like to show me how it's done? Loneliness is always on the run. Never again will you fear. never thought I'd fire the starting gun. Loneliness is always on the run. Loneliness is always on the run. Loneliness is almost done. Covered in dirt, my feelings hurt. Yeah, this time for real. La première partie pop de Pop and Rock se referme, voilà qu'arrive notre seconde partie sur RVR. Poussez les meubles, prévenez les voisins et montez le son. We'll be right back. Alors, vous préférez l'original sur OK. And God is empty, just like that. Chose promise, chose due, cette seconde demi-heure sera énergisante ou ne sera pas. Puzzle. Some nuts can't be muzzled. I can't forget you. Le Sommuts d'Emil et ses Sniffers vous a peut-être donné mal à la tête, alors ne comptez surtout pas sur Baby Strange pour calmer tout ça. Push it all the way to your hands draw blood. Staring at yourself in the mirror. Staring at your face till your skin looks old. Push it all the way to the limit. Don't tell me once, told me twice before. Looking up high for redemption. The one is looking down, I've got another question. I wanna believe but I'm sinning. I wanna go to church but my heart's not in it. It's been going on. Alors là, profitez de la petite respiration que vous laisse Baby Strange parce que ça repart tout de suite. Strange, vite qu'on revient en France avec Lane, ça bouge un peu moins, mais pas sûr que vous ayez le temps de redescendre en pression. Lane, Life as a Sentence. Vous voulez encore un petit peu de Lane? Ok. Pop and Rock, c'est 59 minutes et 57 secondes de musique, sans trop de parlotte, enfin j'espère, et surtout sans pub. Profitez, c'est gratuit, mais rassurez-vous, ce n'est pas vous le produit. Your shadow's getting wild. The sun is settling down. And you're walking in the valley of love. Yeah. Notre dernière triplette du soir se composait donc de Lane, à l'instant Lulu Van Trapp et pour se quitter Pixies, Got Your Way. Allez, bonne fin de soirée à tous, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous.